bois un café, regardez la télé, ma priorité cet hiver. M'allez comme un lapin, je joue que printemps, été, automne, autonomie, intérim, je fais des tags, parfumerie, achète ma viande. L'école est là, la majorité du temps, c'est le quart d'heure, 3 semaines, pareil, là, suffisent. La mafia de 2048 arrive quand même, les blacks et terrestres sont nos amis de la veuve, chez des BZ, ils sont pop, de pop-com. Je fais des starts et des paillettes, j'ajourne le petit Papa Noël sera présent, on n'est pas là pour tout un commun, tu poses ton gun sur ton gun comme ton gun. Les gars sont pleins, on fait dans le réel, au-delà du réel, Sagittaire, Arme Jedi, les vaisseaux Air France sont dépassés par la technologie, je fais plus dans la techno, mais plus dans les accords mondiaux. De la Silicon Valley en France, des menus, je détermine, et j'opère dans le bling-bling chez moi, la cause de la pollen m'a induit en erreur, coup fatal, nouveauté. Clavier déterminé, je suis à la guerre, j'enclenche, j'ai mené mes troupes à l'ouverture des frontières de l'Algérie. Petit pont bien placé, je joue. Plus de guerre à part à la télé-réalité, décalé à fion sur les pronoms. Je mise au casino sur le noir et le rouge, j'ai gagné à tous les prix, pimpin, qui a Aladdin. La nature me sourit, je vis petit corps de naissance, tracker new, je code. Et j'ai ajourné mes décors pour mes enfants. Le temps de la vie est limité, on a la potion d'Astérix chez E-Food. Rap de rue, j'opère une étoile pour la France, une étoile polaire nous contient. On vit, on meurt et la nature de l'œil. Les poissons sont bien, là bien, quand il n'y aura plus rien, j'entends bien. Alors les restaurants nous bien à unanimité dans le système 10 qui prend l'avion, chacun son rythme. Foule éparpillée, doublée qui est foule chez la farfouille. Les pompiers ont le salut devant eux pour sauver des vies. Quand tu es cuit, tu passes au feu pour flamme, de préférence voiture. Le système s'ajoute en taxe de 1 centime comme des mille pattes. La civiculture est culte, les mairies entretiennent. J'envole un au père dans les catacombes pour le système master de notre système 10. D'une ramasse le sable pétrolier pour le BTP sur Mars et ça repart. Les mairies se font payer pour ajourner les zones 30. Je roule quand le joueur retourne. L'or et SRM, militaire lunaire, à charge qui montre son argent comptant. On se paye de la réalité augmentée. Le sable laser, arme de première nécessité en Italie. On joue et club joue fort pendant articulé comme un doudou. Les commerces se suffisent grâce à l'économie de nos économies. Un centime, on paye les nouvelles charges.